بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا نواصل دراستنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. Donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre, toujours sur l'étude de la deuxième règle, القاعدة الثانية. القاعدة الثانية. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أن أهل اللغة والعرف على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال سميع للأصم ولا بصير للأعمى ولا عاقل للمجنون، بل لابد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهو أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح. إذن قال القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصف، وأنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وعلى المعاني متباينة. Tout simplement. Donc pour continuer, la deuxième règle, comme on l'a dit, tout simplement, ce qu'il faut retenir de cette deuxième règle concernant les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal et parfaits, les noms parfaits d'Allah, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal sont aussi bien des noms propres et aussi bien des qualificatifs. Ils sont aussi bien A'lamun wa Awsaf. C'est ça que nous enseigne dans cette deuxième règle, et vous avez pu comprendre que ces règles-là qu'on est en train d'apprendre sont liées aux noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, les noms divins. Et donc, la deuxième règle, la première règle, c'était, on a appris que tous les noms d'Allah, ce qu'il faut savoir et connaître et être convaincu, c'est que tous les noms d'Allah Azzawajal sont husna. On avait bien parlé du terme husna. Walillahi al-asma'ul husna. La deuxième règle, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les noms d'Allah Azzawajal sont des a'lamun wa awsaf. Sont aussi bien des noms propres, Allah Azza wa Jal s'est nommé par ses noms, par Al-Asma Al-Husna, et aussi ces noms-là sous-entendent des attributs de perfection, comme on va l'apprendre. Et donc, il y a des qualificatifs. وَأَنَّهَا بِعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ مُتَرَادِفَةَ وَعَلَى الْمَعَانِي مُتَبَيِّنَةَ. Et ça, c'est le résumé de ce qu'on a appris la fois dernière. La fois dernière, dans la dernière assise, l'auteur avait posé une question. Est-ce que les noms sublimes, les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, sont mutaradifa? Maintenant, on peut rester sur les termes en arabe. Et ceux qui apprennent en même temps la langue arabe, eh ben, vous apprenez du vocabulaire. C'est très important d'avoir du vocabulaire à son actif. Donc, est-ce qu'ils sont mutaradifa ou bien ils sont mutabayina? Ou bien, ils sont mutabayina. Cheikh nous dit, donc on ne peut pas dire comme cela, ils sont mutaradifa. Ils sont mutaradifa lorsque c'est lié à celui qui est nommé, Allah Azza wa Jal. Tous ces noms-là servent à nommer un seul, qui est Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est lié, donc c'est mutaradif. Elles sont mutaradifa. Dans ce cas-là, elles sont, il dit, synonymes. Ou ils sont les noms synonymes. Mais lorsque c'est lié au sens de ces noms, alors chaque nom a son propre sens. Et donc de là, les noms sont mutabayina. Ils sont différents. C'est ça dans la traduction. Lorsqu'ils traduisent différents, ils traduisent le terme mutabayina. Si vous voulez savoir où est la traduction du terme mutabayina, c'est lorsqu'il dit qu'ils sont différents. Ensuite, l'auteur nous dit هؤلاء يقولون نثبت أسماء الله تعالى وأن أسماء الله وأن الله سميع عليم حكيم عزيز إلى آخره لكن بدون إثبات المعنى له فنقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهذا ضلال هذا قول المعتزلة هذا قول المعتزلة وهؤلاء من المعطلة وهؤلاء من المعطلة وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى المعطلة يعبدون عدما والمجسمة يعبدون صنما يعبدون صنما Les négateurs des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, comme le disait très bien Ibn al-Qayyim, il dit en réalité, ils adorent le néant. Ils adorent le néant. Pourquoi ? Puisqu'ils renient tous les attributs d'Allah Azzawajal. En l'occurrence, le Jahmiya, qui renie les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, c'est comme si Ya'buduna Adama. Ou Al-Mujassima, les anthropomorphistes, ceux qui compare le créateur aux créatures et font de là ce qu'on appelle du teshbih et du temthil, eux c'est comme Ya'budun al-Sanama, c'est comme si qu'ils adorent une idole qui se sont eux-mêmes imaginés. Voilà. Et donc le fait de penser qu'on affirme croire au nom d'Allah Azzawajal en les dépouillant en quelque sorte de ses attributs, ses qualificatifs, ça, c'est un égarement qui s'est produit, comme on l'a relaté dans la dernière assise, déjà dans les premiers siècles, avec l'apparition de Al-Atizal. Faqalu huwa hakimun, alimun, azizun, sami'un bila sam'a, basirun bila basar. Li'annaka idha qulta inna lillahi sam'an wa basaran, wa qudratan wa quwwa, aw qulta inna hadhihi as-sifat qadima, lazima min dhalik ta'addud, Al-Qudama. Ta'addud Al-Qudama. Li fahmi ta'addud Al-Qudama inda aqidati Al-Mu'tazila yata'ayyanu alayna an na'lama ma'na Al-Qadim indahum. Ma ma'na Al-Qadim? Lian Al-Qudama jam'u Qadim indahum. Fama ma'na Al-Qadim inda Al-Mu'tazila? Qalu wal-Qadim inda ahli Al-Kalam. يقول عند أهل الكلام لأن المعتزلة من المتكلمين من أهل الكلام قال والقديم عند أهل الكلام هو أخص وصف الإله الإله يعني أنه الوصف الذي لا يوصف به غيره لا يوصف به غيره قال وهذا لا شك أنه غلط يرحمك الله فالقديم ليس أخص وصف لله عز وجل لأنه يوصف به غير الله جل وعلا كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم كالعرجون القديم في سورة ياسين فأخص وصف لله ما لا يسمى به غيره رب العالمين رب العالمين خالق كل شيء وما أشبه ذلك وأنتم تنكرون على النصارى وتكفرونهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإلى هنا يرد على أهل الكلام وعلى المعتزلة Alors, l'auteur nous dit pourquoi ils ont dépouillé les noms parfaits du créateur de ses sens en disant que nous affirmons les noms parfaits d'Allah Azzawajal sans affirmer les attributs qui en découlent. Ou sous-entendu, sans affirmer les attributs. Pourquoi ? Parce que pour eux, affirmer cela, ça sous-entend la pluralité de l'éternel. La pluralité, c'est l'opposé de l'unicité. La pluralité de l'éternel. C'est comme ça que certains traducteurs traduisent Ta'addud al-Qudama. Ta'addud al-Qudama. Donc ça fait partie des causes. Ça fait partie des causes de leur négation. Donc pour eux, en affirmant les attributs ils disent, on aboutit à une pluralité d'éternel. On aboutit à une pluralité d'éternel. Et pour comprendre ce qu'ils veulent dire par la pluralité d'éternel, il faut comprendre chez les gens de la spéculation, pourquoi ? Parce que Ahl al-Kalam, c'est la théologie dialectique, c'est ce qu'on appelle la théologie dialectique, ceux qui adhèrent à la théologie dialectique, donc qui ont spéculé concernant les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Pour comprendre cela, Ta'addud al-Qudama, selon eux, la pluralité des éternels, il faut comprendre le sens de Al-Qadim. Al-Qadim. Al-Qadim, l'ancien. On pourrait traduire par l'éternel. Dans le sens ici, littéral, l'ancien. Pour les gens du Kalam, pour les spéculateurs, les gens de la dialectique, de la théologie dialectique, ils considèrent que ça fait partie des informatifs ou des descriptifs les plus spécifiques et particuliers de la divinité d'Allah Azza wa Jal. D'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'aucun autre ne peut être décrit par Al-Qadim, par ce terme Qadim. Qu'aucun autre que lui ne peut être décrit comme Qadim. Qalou, la yusafu bihi ghayru. Selon eux. Et Shir dit, il n'y a pas de doute que cela est une erreur profonde. Pourquoi ? Parce que fal qadim, la chose ancienne, laysa akhas wasfin lillahi azza wa jal. Wasfin lillahi azza wa jal. Pourquoi ? Parce que ce terme-là, al qadim, le fait de dire l'ancien, ce n'est pas le descriptif le plus particulier spécifique à Allah azza wa jal. Du fait est que personne d'autre pourrait être décrit par cela. Du fait que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a décrit Al-Urjun comme Al-Qadim. Comme Al-Qadim. Donc, on voit que c'est pas quelque chose de particulier et de spécifique au Créateur. Et il dit, par contre, ce qui est particulier et spécifique au Créateur, وَلَا يُسَمَّ بِهِ غَيْرُ et que personne d'autre peut avoir ce titre et peut être nommé de la sorte, c'est Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. Ça, c'est le titre, en quelque sorte, qui n'appartient qu'au Créateur. Ou par exemple, Khaliku Kulli Shay, le Créateur de toutes choses. Ça, par exemple, c'est un titre qui n'appartient qu'à lui. Subhanahu wa ta'ala. Wama ajbaha dhalik. Donc vous avez vu là, on est vraiment au cœur de l'aqida. On est vraiment au cœur de l'aqida. Et la croyance est une science qui est subtile. C'est pour cela qu'on ne peut que se référer à de grands savants. Pourquoi ? Parce que parfois il suffit d'une mauvaise interprétation d'un mot ou d'une phrase, et là on peut altérer la croyance. Ou professer quelque chose ou avancer quelque chose dans la croyance qui est faux. C'est pour cela que les savants contemporains, en réalité, nous aident à comprendre les écrits anciens. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les savants contemporains exhortent, incitent les Toulab al-Ilm à revenir aux anciens livres. En réalité, c'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir revenir et se référer aux anciens écrits. C'est pour cela que vous allez voir à Tullab al-Ilm al-Mutamakkinoun, les Tullab al-Ilm qui ont un certain niveau, eux arrivent à un certain niveau, ils reviennent aux livres d'anciens, aux anciens écrits. Fi al-Aqida. Fi al-Aqida. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important, de revenir aux livres anciens. Sauf que pour comprendre les livres anciens, eh ben les savants contemporains nous facilitent la compréhension de ces livres anciens. C'est pour ça que Qawaid al-Muthla est très important. Pourquoi ? D'apprendre ces règles-là. Parce que si on apprend ces règles, on apprend ces règles-là, ça nous ouvre les portes ensuite pour comprendre des œuvres comme le dogme de Al-Wasitiyya. Le dogme de Al-Wasitiyya. Puisque le but ensuite, c'est d'étudier Al-Wasitiyya. Ensuite, si on a bien compris Al-Wasitiyya, ensuite, ça nous ouvre les portes pour étudier At-Tadmouriyya. Le dogme de At-Tadmouriyya, du même auteur, de Al-Wasitiyya. Et si on a bien compris le dogme de At-Tadmouriyya, ensuite, d'étudier le dogme de l'Hamawiyya. De l'Hamawiyya. Et si ensuite on comprend ces écrits-là, et là on peut étudier l'aqida at-tahawiyya. On peut étudier en profondeur l'aqida at-tahawiyya, par exemple. Ou bien faire certains livres avant que d'autres. Et de là, certains savants disent, si on a appris ces livres, on a bien compris ces livres, ça vous permet ensuite de rentrer et de lire dans Majmou' al-Fatawa. Dans Majmou' al-Fatawa, le Cheikh al-Islam. Dans le Majmou', le recueil de Fatawa du savant de l'Islam. Du savant de l'Islam. Donc c'est ça qui est demandé. C'est d'avancer, de faire ce qu'on appelle al-ta'asil. Fi dirasat al-ilm. D'étudier progressivement. De prendre un livre. Par exemple, le Ma'at al-A'tiqad d'Ibn Qudama, le Qawa'id al-Muthla, al-Wasitiyya, al-Hamawiyya, al-Tadmouriyya, ensuite al-Tahawiyya, par exemple, ou avant, et ensuite de pouvoir lire fi Majmou' al-Fatawa. Majmou' al-Fatawa, les Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyya. Et là, vous allez voir que au niveau de al-Aqida, la personne va commencer à atteindre une sorte de compréhension et maîtrise de al-Aqida. Et là, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, Wallahu a'lam, et parmi son voulu, c'est de nous enseigner des règles pour nous faciliter justement l'apprentissage wa dirasat des livres qui viennent ensuite. Qal. Donc regardez. Les titres d'Allah Azza wa Jal qu'on peut pas attribuer à autre que lui, il y a Rabbul Alamin wa Khaliq kulli shay. Wa Khaliq. Khaliq kulli shay. Seigneur de l'univers et Khaliq kulli shay, créateur de toutes choses. Wa majba dhalik et autres titres comme cela. Fa naqulu fi radd alayhim. Il dit l'auteur ensuite comme réfutation que leur pensée, le fait de dire que si on affirme le qualificatif et l'attribut, on va sous-entendre ta'addud al-qudama, on va rentrer dans ce qu'on appelle tomber dans la pluralité des éternels ou de l'éternel, fa innahu la yalzamu min ta'addud as-sifa ta'addud al-mawsuf. C'est ça qu'ils veulent dire. Et là, il nous facilite l'auteur. Pour eux, affirmer les attributs, différents attributs, c'est affirmer différents nommés et différents décrits. Et différents décrits. Vous avez compris, celui qui est décrit, elle m'en souffle. Donc pour eux, affirmer as-sifat, les attributs, différents attributs, ça serait affirmer ta'addud al-mawsuf. Différent décrit. Celui qui est décrit. لأن الصفة معنى في الموصوف ليست غيره حتى يقال إن ذلك يستلزم تعدد القدماء وإلا لكنا نحن أيضا الواحد منا يكون كثيرا بحسب صفاته. Et donc, Cheikh, il dit, L'attribut a un sens. Il dit, l'attribut a un sens. Le fait d'affirmer l'attribut, ça ne veut pas dire qu'on va affirmer la pluralité d'éternel ou affirmer différents décrits. Mais il dit, wa illa lakunna nahnu. Sinon, ça voudrait dire que nous-mêmes, en tant qu'être, nous-mêmes, al-wahidu minna yakunu kathiran bihasab sifatihi. Ça voudrait dire que nous-mêmes, on est plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs qualificatifs. On peut on a plusieurs qualificatifs, nous-mêmes. Donc ça voudrait dire que si nous-mêmes on s'affirme les selon leurs pensées, c'est-à-dire que si nous-mêmes on s'affirme pour nous-mêmes différents qualificatifs, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs nous-mêmes. Or, on ne peut pas penser ça. C'est incohérent. On ne peut pas penser ça. Donc, affirmer plusieurs qualificatifs, affirmer différents attributs, ça ne veut pas dire qu'on est en train de décrire qu'il y a différents mausouf. Différents mausouf. Vous comprenez ? Taïb. Si on a compris, qala, ensuite il dit, or la cause, comme salam wa rahmatullah, invoquée par eux est défectueuse, voire vaine, car les arguments scripturaux, le Coran et la Sunna, ainsi que les arguments rationnels à l'aql, confirment sa fausseté. Et donc hier, on avait lu un verset. Et regardez maintenant, vous allez comprendre la preuve que mentionne l'auteur. La preuve que mentionne l'auteur, que leur conception et leur argumentation et leur raisonnement est faux. Pourquoi ? Hier, on a lu le verset célèbre. Inna batasha rabbika lashadid. Ce verset qu'on a lu hier, puisqu'on avait lu une partie du matin. Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Dans la traduction littérale du verset, Allah dit, donc c'est une traduction littérale du sens, ils disent Inna batasha rabbika lashadid. Certes, la riposte de ton Seigneur est terrible. Ils traduisent al-batsh. La riposte de ton Seigneur, c'est relative, hein, c'est approximatif. La riposte de ton Seigneur est terrible. Écoutez bien. Innahu huwa yubdi wa yu'id. C'est lui qui produit la création et la renouvelle. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Et c'est lui, il est le pardonneur al-wadud. Je reste sur le terme wadud. Al-wadud. Donc il est al-ghafur. Et il est, Allah dit, Al-Wadud. Et il est, Allah Azzawajal dit, Dhul Arsh Al-Majid Fa'alun Lima Yurid. Et il est le maître du trône, Al-Majid, le trône ici dans le verset qui est décrit comme étant Majid, majestueux, si on peut traduire de la sorte. Et ensuite, celui qui réalise tout ce qu'il veut. Ils ont traduit fa'alun lima yurid. Celui qui réalise, qui fait tout ce qu'il veut. Ici, c'est très pertinent, regardez, que l'auteur ait mentionné ce verset. Pourquoi ? Parce que observez dans ce verset, et Shir va expliquer cela. Dans ce verset, il dit, après avoir mentionné ce verset, ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء كما قال. Regardez ce que Cheikh il dit. Il dit après ce verset là, et il va mentionner un autre verset. سبح اسم ربك الأعلى. La sourate al-A'la. Sourate célèbre, lorsqu'Allah dit « Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui crée et harmonise, celui qui décrète puis guide, celui qui fait verdir le pâturage puis le transforme en forage brunâtre. » Traduction littérale des versets. Qu'est-ce que dit l'auteur ? Il dit « De ces nobles versets figurent de nombreux qualificatifs. » Est-ce qu'il y a un qualificatif qui est mentionné pour le créateur, pour Allah Azzawajal, ou il y a différents qualificatifs ? Il y a différents qualificatifs. Regardez dans le verset lorsqu'Allah Azzawajal dit Inna batasha rabbika lashadid. Ensuite Allah dit Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Et Allah ensuite a dit qu'il est al-ghafur, il dit qu'il est al-wadud, etc. jusqu'à la fin du verset. Donc il y a différents qualificatifs dans le verset. Ces qualificatifs décrivent qui ? Différents êtres ou un seul être ? Un seul être. Donc eux, عِنْدَ أَهْلِ الْكَلَامِ, selon eux, affirmer les qualificatifs, c'est comme si on décrit différents êtres. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est très pertinent parce que dans ce verset-là, ça prouve qu'il y a différents qualificatifs, mais c'est lié à un seul mawsouf. Un seul mawsouf. Et dans le verset de, les versets de Sourate Al-A'la, de même. Donc il dit, ces nobles versets figurent de nombreux qualificatifs pour un seul et même être qualifié. Pour un seul et même être qualifié. Si on a compris cela, donc on a compris la règle. Il dit, ces qualificatifs comme tels ne signifient absolument pas l'existence de plusieurs éternels. Maintenant, vous avez compris, Ta'ad de Dul Qudama, la pluralité de l'éternel, l'existence de plusieurs Qadim, de plusieurs Qudama. Donc pour eux, différents qualificatifs, ça serait ici affirmer différents qualifiés. Et avec la lecture de ces versets, on voit que c'est faux. Ensuite, il dit, donc il y a des arguments textuels, scripturaires, qu'il dit, qui réfutent cela, et il dit qu'il y a des arguments rationnels. On a lu la partie des arguments rationnels en arabe. Amma al-aqlu. Je ne me rappelle pas si on a lu en arabe. Fali anna nu'id al-qira'a. Wa amma al-aqlu fali anna sifati laysat dhawatin ba'inatan min al-mawsuf. Hatta yalzama min thubutiha al-ta'addud. Wa innama hiya min sifat man ittasafa biha. Fahiya qadimatun bihi. Aw fahiya qa'imatun bihi. Wa kullu mawjudin. فلابد له من تعدد صفاته من تعدد صفاته ففي صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. Dans cette partie ensuite il dit, en ce qui concerne les preuves rationnelles, قال, il dit, les qualificatifs ne sont pas des essences séparées de ce qu'ils qualifient pour qu'ils soient nécessaires de conclure à la pluralité des choses décrites. Mais ce sont des attributs pour la chose qualifiée, faisant partie intégrante d'elle. Qala. Ainsi, tout être existant possède nécessairement un certain nombre de qualifications. Tout être existant, il possède un certain nombre de qualificatifs. Une personne, il peut être en même temps fort, généreux, par exemple, dynamique, ayant des lacunes dans d'autres domaines, etc. Il peut être décrit de différentes manières. Malgré qu'il soit décrit de différentes manières, ça reste un seul qualifié. Ça veut pas dire qu'on est en train de décrire différents. Et alors, il dit, ainsi, tout être existant possède nécessairement un certain nombre de qualifications. Il est pourvu de l'attribut de l'existence et possède soit une existence absolue, soit une existence contingente. Mumkin al-wujud. De même, il est soit une entité qui subsiste par elle-même, soit une qualité d'autre chose que lui. Et là, c'est pertinent parce que regardez ce qu'il dit. Il dit par exemple, حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلابد له من تعدد الصفات من تعدد صفاته ففي صفة الوجود. Et regardez par exemple, toute personne existante, صفة الوجود, a cette description, ce qualificatif de l'existence, il est existant. Sauf que l'existence, Cheikh il dit, l'existence en elle-même, qalad fi sharh fi an-nuqtat ath-thaniya wa hadha lazimun lahum kullu mawjud la budda min ta'addud sifatihi fa naqul lahum hal tuthbituna anna Allah mawjud hal tuthbituna anna Allah mawjud sayaqulun na'am na'am nuthbitu dhalik idhan naqul kullu mawjudin la budda an tata'addad صفاته. تتعدد صفاته. Il dit par exemple l'existence. Il dit, si on demande aux négateurs des attributs, on leur demande, est-ce que vous confirmez, vous affirmez l'existence du Créateur? Ils diront naturellement oui. Ils vont affirmer l'existence du Créateur. Shir dit ensuite, فكل موجود, tout existant, la Bouddha, c'est nécessaire qu'il ait différents qualificatifs. Qu'il ait différents qualificatifs. Qala mathanan. Mithal, exemple. Al-mawjoudu fihi sifatul wujud. Celui qui est existant. Regardez ce qu'il va prouver. Il va déjà rentrer dans le terme existant. Donc toute personne vivante, elle est existante. Donc Allah Azza wa Jal a donné existence à ces créatures. Shirk, qu'est-ce qu'il va nous enseigner et nous prouver ? Que toute personne existante, c'est nécessaire. Ça implique qu'il possède différents qualificatifs. Qu'il possède différents qualificatifs. Pourquoi ? Parce que déjà, dans l'existence même, il y a différentes existences. C'est ça qu'il explique. Dans l'existence même, il y a différentes existences. De sorte qu'il dit. فَمَثَلًا الْمَوْجُودُ فِيهِ صِفَةُ الْوُجُودُ. L'existence est celui qui a la qualificatif ou l'attribut de, ou le qualificatif de l'existence. Il est existant. وَأَنَّ وُجُودَهُ إِمَّا مُمْكِنْ وَإِمَّا وَاجِبْ. Et son existence, elle est soit possible, c'est une existence possible, ou bien ça peut être une existence wajib, nécessaire, obligatoire. Une existence nécessaire et obligatoire. Regardez ce qu'il va dire. Fawujuduna nahnu. Il dit par exemple, nous, notre existence à nous. Notre existence à nous, elle rentre dans le domaine de l'mumkin. Minbab. قال فوجودنا نحن من باب الممكن. Notre existence à nous, elle rentre dans le domaine de du possible. Quel est possible? Tandis que وجود الله من باب الواجب. Tandis que l'existence du créateur, c'est dans le domaine de du nécessaire, du wajib. وكذلك الموجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسه بنفسها أو يكون صفة في غيرها فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه والسمع الإنساني وبصر وصف قائم بغيره إذن كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات أو بهذه الصفات الثلاثة الأولى الوجودية والثاني كون وجوده واجبا أو ممكنا وثالث كونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره وهذا أمر لا يمكن إنكاره وهذا أمر لا يمكن إنكاره. Et là c'est très pertinent ce que Cheikh dit, puisqu'il dit déjà en détaillant le sens de l'existence, on voit donc qu'il y a une existence qui est dans le domaine du mumkin, du possible. Comme la nôtre, on a l'existence qui est dans le domaine du wajib. Et il dit ensuite, il y a une existence, comme, regardez, et là vous allez mieux comprendre parce que je pense à la, vous avez vu, c'est pour cela que toujours s'appuyer sur les traductions, ça se relatif parce que si vous lisez, peut-être que l'essence de la traduction, ça... ça paraît pas comme dans la langue arabe. Lorsqu'on lit dans la langue arabe, même sans lire le commentaire, on sent que dans la langue arabe, les sens sont plus clairs. La langue française, traduction, on essaie de se rapprocher du texte, mais ça reste quand même approximatif. Regardez en français. Donc ce qu'on a lu, ça donne. Il est pourvu de l'attribut de l'existence. Et possède soit une existence absolue, wajib al-wujud, donc ils ont traduit comme cela, l'existence nécessaire, obligatoire, l'existence absolue, celle qui est liée au créateur, subhanahu wa ta'ala, soit une existence mumkin, on a dit, possible, contingente. Une existence contingente. Donc regardez, je vous lis, et là, avec l'explication, vous allez mieux comprendre. Je vous lis littéralement la traduction. Il est pourvu de l'attribut de l'existence et possède soit une existence absolue, soit une existence contingente. De même, il est soit une entité qui subsiste par elle-même, soit une qualité d'autre chose que lui. Donc soit ensuite il est une entité qui subsiste par elle-même, soit il est une qualité d'autre chose que lui. D'autre chose que lui. Vous avez vu à la première lecture, on a besoin de comprendre. C'est tout simple, regardez. Ce que veut nous expliquer l'auteur. Donc il nous dit dans l'existence, on a soit l'existence absolue, qui est celle d'Allah Azza wa Jal, ou Dieu de l'Wajib, ou bien l'existence contingente, Al-Mumkin, celle qui est possible, la nôtre. Différente. Ensuite, regardez ce qu'il dit. Et il dit, وكذلك الوجود إما أن يكون عينا قائما قائمة بنفسها. Et maintenant, l'existence aussi, il dit, elle peut être aussi, وكذلك الموجود, ou plutôt maintenant, الموجود, l'existant maintenant. On a parlé de l'existence, maintenant l'existant. L'existant, en ce qui concerne l'existant, il peut être soit une entité qui subsiste par elle-même, et il dit par exemple, al-insan, l'homme. L'homme est existant. Cet existant-là, c'est une entité qui subsiste par elle-même. Qui subsiste par elle-même. Cette entité qui est, par exemple, l'homme. Mais il peut y avoir un existant, quelque chose qui existe, qui ne subsiste pas par lui-même, mais par autre que lui. C'est ce qu'il sous-entend dans ce qu'il dit. De même, il est une entité qui subsiste par elle-même, ou une qualité d'autre que lui. Ou quelque chose d'existant, mais qui est une qualité d'autre que lui. قال إذن كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة. Et l'autre, الإنسان مثلا عين قائم بنفسه. Et par exemple, lui de la personne, l'audience de la personne, par exemple. Ça, par exemple, ce sont des wasfun qa'imun bighayri. Ce sont des wasf, des choses qui subsistent par autre que lui. Vous avez compris? Il y a l'homme. L'homme, il subsiste par lui-même. Mais ensuite, il y a des entités qui subsistent par autre que lui. Comme l'auteur dit, soit une qualité d'autre chose que lui. Lorsqu'il dit en arabe, wasfun qa'imun bighayri. C'est une qualité, un qualificatif, wasfun qa'imun, qui subsiste par autre que lui. Comme lui, l'audience. Vous avez vu l'essence? L'essence, par exemple. Différemment de l'homme, l'homme, c'est l'existant, c'est une entité qui subsiste par lui. Là, l'auteur, il nous parle juste de al-wujud ou al-mawjud. De l'existence et de l'existant. Et nous, parle de l'existant et de l'existence. Donc il dit on a trois choses. Al-wujudiyya, l'existence. Kaunu mawjudi wajiban aw mumkin. Deuxièmement, cette existence, soit elle est absolue ou bien contingente. Et troisièmement, kaunu aynan qa'iman qa'imatan binafsiha, soit une entité qui subsiste par elle-même, troisièmement, ou bien une qualité qui subsiste pour autre qu'elle. Et il dit ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas désapprouver ou nier. Quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? Pour résumer, tout ça, c'est pour dire quoi? Que si un être a différents qualificatifs, ces différents qualificatifs qu'on affirme, ça ne veut pas dire qu'en réalité, il y a différents qualifiés ou différents êtres. Un seul être peut et a nécessairement différents qualificatifs. Différents qualificatifs. C'est juste ça qu'il faut retenir. C'est juste ça qu'il faut retenir. Ensuite, l'auteur dit ثم قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى لأنه اسم للوقت والزمان وقال الله تعالى عن منكر البحث وقالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. Et l'auteur termine la deuxième règle comme cela. Donc je voulais qu'on termine la deuxième règle. Je vous lis la traduction et c'est la fin de la deuxième règle. Il dit, après avoir dit ce qu'on vient d'expliquer dans ce qui a précédé, il dit, nous savons dès lors que ad-dahru, ce qu'on appelle ad-dahr, ce qui est traduit par le temps, l'époque, n'est pas un nom d'Allah, ne fait pas partie des noms parfaits de notre Créateur, exalté soit-il, parce que c'est un substantif, qu'on va expliquer, indérivable, qui n'implique pas de sens permettant de le joindre au nom parfait. Ad-dahr est également le nom donné au temps de la chronologie et à la période. Allah exalté soit-il dit dans les propos des gens niant la résurrection, une traduction relative du verset, ils disent il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous pourrons et nous vivons et seul le temps. Nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. C'est-à-dire que dans le verset il est dit que ceux qui reniaient la résurrection, ils disent en réalité ce qui nous fera mourir et ce qui nous fera périr, c'est le temps. On va périr avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'il réfute, il renie al-bahth, ce qu'on appelle la résurrection. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Ce qu'il disait, ce qui nous fera périr, c'est ad-dahr. Ils veulent signifier par dahr l'écoulement des jours et des nuits. Quant à ces paroles du prophète, Allah dit « Le fils d'Adam m'offense. Il insulte le temps chronologique. Or, je suis le temps. Toute chose est dans ma main. J'alterne la nuit et le jour. Elle ne signifie pas » L'auteur dit ensuite par rapport à ce hadith divin, « Elle ne signifie pas que le terme « dar » fait partie des noms d'Allah. Car ceux qui insultent « dar » entendent par ce mot le temps chronologique qui sert de cadre aux événements. Ce n'est pas Allah qu'ils visent. Aussi le sens de la proposition « Et moi je suis « ad-dar » lorsqu'Allah dans le hadith dit « Et moi je suis « ad-dar » » Ils insultent le « dar » et moi je suis « dar » cité par la proposition suivante « Toute chose est dans ma main » J'alterne la nuit et le jour. Allah exalté soit-il est le créateur du temps et ce qui s'y déroule. Il a montré clairement qu'il alterne la nuit et le jour qui sont le temps. Celui qui alterne le jour et la nuit ne peut être l'alterné. Puisqu'Allah est celui qui alterne le jour et la nuit. Donc le jour et la nuit, c'est-à-dire ad-dar, il est alterné. Pour cela, il dit... Ad-dar, on ne peut pas dire que c'est fait partie des noms d'Allah, parce que dar, il est alterné. Et Allah, Azza wa Jal, hasha wa kalla, ne peut être alterné. Alors il dit, il devient dès lors évidemment que le dar ne peut dans ce hadith renvoyer à Allah lui-même. Renvoyer à Allah lui-même. C'est pour ça qu'il dit que l'avis le plus juste chez les savants, c'est que ad-dar ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah Azzawajal, des noms parfaits. Certains savants ont dit que Ad-Dar, ça fait partie des noms parfaits d'Allah Azzawajal. Il le recense parmi Al-Asma ul-Husna. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Ibn Hazm et d'autres savants considéraient que Ad-Dar fait partie des noms divins. Ils se basent entre autres sur ce hadith. Ils se basent sur ce hadith, pourquoi? Parce qu'Allah dit « Wa ana ad-Dar » et moi je suis Ad-Dar. Mais c'est pas dans, en réalité, dans le sens que ça fait partie de ces noms et que Allah Azzawajal sait le temps. Sauf que lorsqu'on insulte le temps, on offense le créateur. Parce que c'est Allah Azzawajal qui a prédestiné et tout décrété. Et tout décrété. فقال المصنف وقال بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم رحمه الله ظاهر قولي أنا الدر من أسماء الله تعالى وعليه يجب أن ندريه على ظاهره وأن لا نصرفه على ظاهره أو عن ظاهره وهذه حجة قد تبدو قوية لكن نقول إن الدر اسم جامد بمعنى الوقت والزمان والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى والاسم الجامد الذي لا يدل على وصف ليس من الأسماء الحسنى. Il a dit quelque chose de très pertinent. Parce que Ad-Dar, c'est un nom qu'on appelle اسم الجامد. والاسم الجامد لا يمكن أن يكون من أسماء الله تعالى من الأسماء الحسنى. ثم قال ثم إن من تأمل الحديث علم أنه ليس المراد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أسماء الله الدر أي فيما يروي عن ربه حيث إن الله تعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر إلى آخر الكلام. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le قاعد المثلى. Je voulais qu'on, dans tous les cas, on a lu la deuxième règle. On a fini les deux premières règles. On a fini les deux premières règles. Dans la prochaine assise, on terminera juste la question du Ad-Dar, qui ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, et l'auteur va bien nous expliquer cela.